Transhumance. Maman ayant proclamé un jour que tout homme qui se respecte offre un beau, gros et cher bijou à sa femme quand elle lui a donné un beau, gros et mâle enfant, Faustine fait passer le message en boucle entre la Saint-Valentin et la fête des mères. La jeune maman rêve d'un diamant monté en pendentif. Dans la boutique du centre commercial, elle jette son dévolu sur un caillou de presque 3 mm de diamètre pour 0,08 carats. Désir exaucé, Faustine est aux anges. Maxime, égal à lui-même, n'attend même pas qu'elle ait quitté le magasin pour sortir son chéquier. 250 $ ? Vous me faites un rabais si je paye tout de suite ? Il ne reste plus que quelques semaines pour préparer le déménagement. Faustine s'y consacre jour et nuit, ne s'arrêtant que pour soigner son petit, le nourrir, jouer avec lui dans son bain, le caresser, le cajoler ou le promener. Les soins consistent en un massage et tapotement sur le dos et la poitrine pour décoller le mucus, matin et soir pendant une demi-heure. Un soir, Faustine vient de placer le bébé en position allongée sur le ventre lorsque le téléphone sonne. Le temps qu'elle réponde, Maxime traverse la pièce, voit son fils inanimé. « Tu l'as laissé mourir !»« Quoi ? Non ! Appelle les pompiers !» hurle Faustine, paniquée. L'ambulance arrive en un temps record. Sous oxygène, le bébé est emporté à l'hôpital de Manassas. Maxime et Faustine suivent en voiture. Le médecin des urgences leur confirme que l'enfant a souffert d'une crise d'étouffement plus importante que les autres. C'est la première fois. Les soignants aspirent le mucus qui engorge les bronches de Julien à l'aide d'un long tuyau de plastique fin. Rapidement soulagé, il respire normalement, reprenant un peu de couleur. Le pédiatre tient toutefois à le garder en observation jusqu'à ce que ses poumons soient totalement dégagés. Le bébé est loin d'être tiré d'affaire. Il a perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Il demeure entre la vie et la mort. Pendant 3 jours et 3 nuits, Faustine le veille, ne quittant son poste que quelques minutes pour se rendre aux toilettes, fumer une cigarette, se doucher ou manger un sandwich. Le reste du temps, elle le passe à nourrir son bébé et à lui chanter des berceuses. Le pont de la rivière Kouai, où Lily Marlène. Étrangement, les seuls airs qu'elle a en tête depuis qu'elle se bat contre la Camarde. 1000 fois elle a cru le perdre, 1000 fois il a décidé de rester. Les infirmières sont folles de ce bébé si beau avec ses boucles blondes et son sourire coquin. Si elle n'était pas débordée, elle passerait volontiers la journée à son chevet. Dès qu'il va mieux, Faustine le promène dans les couloirs. Au bureau, Maxime travaille d'arrache-pied afin que tous trois puissent rentrer en France le plus rapidement possible. Néanmoins, chaque fois qu'il le peut, il vole quelques instants, ne serait-ce que pour voir le visage de son fils s'illuminer de joie à sa vue. Au bout de 3 jours, la fatigue se fait cruellement sentir. Appelé à la rescousse, Maxime prend le relais pour une nuit. Le lendemain soir, un autre ami se propose. Mais Faustine n'est pas tranquille. Elle n'ose pas les laisser pour rentrer à la maison. Depuis qu'un médecin lui a dit que c'était possible, elle craint à tout moment que Julien les quitte. Elle erre sans fin dans les couloirs, folle d'angoisse, allumant une cigarette après l'autre. Seule, face au mur. On dirait que les larmes des parents désespérés suintent à travers la peinture verdâtre. La morve au nez, elle se rend compte trop tard qu'elle a encore oublié ses mouchoirs. Lorsque le médecin donne enfin son feu vert pour le retour à la maison, la jeune femme échangerait père et mère contre un aspirateur à mucus. On lui répond qu'il n'existe pas encore de modèle individuel avec réceptacle. Ici, les tuyaux sortent des murs. Il faudra patienter quelques mois. En attendant, elle continue la kinésithérapie et retourne à l'hôpital en cas de crise. La suivante intervient 2 semaines à peine avant leur départ. Cette fois, Faustine est terriblement déçue par le personnel de l'hôpital de Warrenton. Pas son corps s'il n'était pas toujours en train de se vanter d'être les meilleurs au monde. Obligée de laisser son fils seul une demi-journée et revenue dans la soirée, Faustine réalise que personne ne l'a changé, ni baignée, encore moins nourrie. Elle pique une colère noire, hurlant qu'elle se plaindra à qui de droit, fera intervenir son avocat. Elle s'arrange pour ramener Julien à la maison dès le lendemain. Évidemment, c'est encore elle qui passe pour une hystérique. Mais quand elle en parle à leurs amis, David, le photographe français détaché à la Maison Blanche, et Lydia, sa femme américaine, ces derniers ne sont pas étonnés du tout. Ils savent que ce genre d'impéritie est monnaie courante dans tous les milieux. Ce n'est pas Reagan et son libéralisme à tout va qui changera les choses en mieux. « Le rêve américain » dit-il. « Il faut être bien endormi pour y croire encore. » Depuis qu'ils ont appris que Julien est malade, David et Lydia viennent chaque fois qu'ils le peuvent remonter le moral de Faustine et Maxime. Julien est ravi de voir leurs enfants. Aujourd'hui, il écoute avec intérêt les histoires alambiquées que ses petits amis lui racontent avec force gestes. À Washington, où elle s'est rendue avec Maxime, ils ont organisé leur rapatriement. Faustine a fait la connaissance de Marie-France, coordinatrice Air France des vols sur l'Europe. C'est une jeune personne efficace, très empathique. Touchée aux larmes par l'histoire de Julien, elle met tout en œuvre pour que son voyage de retour soit le plus confortable et sécurisé possible. Elle se débrouille pour trouver une petite bouteille d'oxygène avec un masque spécialement adapté au bébé, bien que ce ne soit en principe pas recommandé dans les avions. Marie-France organise également l'enregistrement des bagages en soute sans limite de poids ni surtaxe et prévoit une voiture avec chauffeur pour transporter la famille depuis le terminal jusqu'à l'avion. Faustine et Julien attendront dans le salon des premières qu'on vienne les chercher. Ils seront amenés en cabine avec les autres passagers, puis débarqués d'eux-mêmes à la fin du voyage. À Paris, une responsable du centre de Garches les attendra avec un aspirateur spécial qu'on peut brancher sur l'allume-cigare d'une voiture. On dirait qu'ils sont mieux équipés en France qu'aux États-Unis. C'est un comble. Tout ceci étant réglé, ils n'ont plus qu'à décider de ce qu'ils emporteront et vendre le reste. Lynn leur annonce qu'elle reprend volontiers certains meubles lourds pour ses propres enfants. Voilà qui arrange tout le monde. Par un beau dimanche ensoleillé, Faustine et Maxime remplissent le coffre de la voiture et partent s'installer quelques kilomètres plus loin au bord de la route principale. Laurie et Anaïs les rejoignent pour donner un coup de main. En attendant le chaland, elles collent les prix et disposent les ustensiles joliment. Ces mêmes objets qu'ils ont trouvés avec tant de plaisir quelques années auparavant. Les curieux ne tardent pas à se présenter. En quelques heures, l'essentiel de la camelote disparaît. Le lendemain, Maxime accompagne Anaïs à l'aéroport. Elle est attendue à Cagnes pour les vacances d'été. Le plus dur reste à accomplir, la tournée des adieux. Don et Colin invitent la petite famille pour un dernier repas. Ils ont beau déployer des trésors de gentillesse, la mélancolie s'est invitée à la fête. Bien qu'ils soient tournés vers une nouvelle aventure professionnelle, le départ précipité de Maxime et Faustine ressemble à une fuite. Chez John et Marilyn, c'est la même chanson. La tristesse ne quitte pas le petit groupe. Même topo chez Joyce et Dick, puis chez Paul et Lynn pour leur dernier repas sur sol américain. Faustine remet à Lynn les fabuleux verres à champagne que cette dernière lui a offerts pour son mariage. « Elle reviendra les chercher un jour », promet-elle. Le téléphone est encore branché. Avant de se coucher, Maxime entreprend sa conversation quotidienne avec un membre de l'église scientiste chrétienne. Depuis quelques semaines maintenant, plus exactement, depuis la dernière fois qu'il a rencontré son ami Jeff à Washington à l'occasion d'un concert, il est en contact permanent avec cette personne acquise au précepte de Mary Baker Eddy, fondatrice du mouvement scientiste chrétien. Jeff lui a en effet confié que Brian, son propre enfant, victime d'une terrible chute de cheval lorsqu'il était petit, s'en est remis miraculeusement. Sa grand-mère, disciple fervente, avait prié jour et nuit à son chevet jusqu'à sa complète guérison. Bien qu'il soit athée convaincu et réfractaire à tout dogme, Maxime est bien décidé pour son Julien à embrasser toutes les convictions dans l'attente du même miracle. Depuis, il passe au minimum 1 heure par jour en communication et en prière. Il se confie plus à son contact qu'à sa propre femme, sans doute parce qu'il y trouve une meilleure écoute. Prière ou pas, Faustine ne constate pas de changement notoire. Par contre, elle culpabilise, car ne croyant pas à ses combines religieuses, elle se persuade que son manque de conviction risque de tuer son bébé. Le jour du grand départ arrive enfin. Comme convenu, ils arrivent à l'aéroport avec 1 heure d'avance. Le temps de décharger la voiture, bébé commence à tousser. Action, vite! Heureusement, Marie-France est là, qui amène mère et enfant dans le salon des VIP. Faustine se précipite, pose le couffin à terre, à côté d'une prise électrique, déballe son appareil. Voit du coin de l'œil l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing, oui, c'est bien lui, gicler de son fauteuil et prendre la fuite avec son garde du corps. Mais ce n'est pas un président, fut-il ex, qui va empêcher Faustine de se concentrer sur sa tâche immédiate. Sitôt que Julien respire à nouveau librement, il récompense ses parents de son plus beau sourire. L'embarquement se déroule sans problème. Le trio est placé dans la rangée du milieu, le berceau de Julien juste devant sa mère. Tant que les autres passagers sont installés à leur tour, Julien a bu son biberon du soir et s'est endormi paisiblement. Pendant toute la durée du vol, Faustine et Maxime sont pourvus en boissons et nourriture. Surtout en boissons, car l'équipage s'étant donné le mot, chaque membre tient à voir ce bel enfant au destin si tragique. Les hôtesses, bouleversées, ne sachant comment exprimer leur compassion, remplissent systématiquement les verres des parents chaque fois qu'ils sont vides. Ce soir-là, le champagne coule à flots. À Paris, lors de la descente d'avion, l'émotion est palpable. Tout le personnel aligné salue l'enfant. Faustine retient difficilement ses larmes devant tant de marques de sympathie. Enfin sur sol français, elle respire. Plus proche de sa famille, elle se sent en sécurité. Dès la douane franchie, ils sont accueillis par la responsable des appareillages venue depuis Garches leur apporter l'aspirateur portable. Munis de leurs bagages, ils trouvent un endroit à l'abri ou attendre à proximité d'une porte de sortie. Maxime s'en va récupérer la voiture de location. Faustine a posé le Moïse de Julien au sommet de la pile de valises. Ainsi, il est à hauteur de ses yeux. Elle l'a changé, nourri, maintenant il dort. Elle attend Maxime. 2 heures plus tard, elle attend toujours. La panique commence à s'emparer d'elle. Julien, manifestement inconfortable, ronchonne. Faustine n'ose pas aller aux toilettes, ça commence à urger. Qu'est-ce qu'il fiche, Maxime? Mais qu'est-ce qu'il fiche, bon sang? Il lui faudra néanmoins patienter encore une bonne heure, pendant laquelle elle aura le temps d'imaginer tous les scénarios catastrophes possibles, y compris celui où il les aurait carrément abandonnés, avant que son mari fasse enfin irruption. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu ne le croiras jamais. Ils ont donné la voiture que j'avais réservée à quelqu'un d'autre. J'ai dû attendre qu'ils en fassent venir une de Paris. Ils n'en avaient plus une seule de libre ici. Quel con! J'ai failli faire une annonce et lancer les flics à ta recherche. Julien a besoin qu'on l'aspire. Je n'ai pas trouvé de prise électrique. Et moi, il faut que j'aille aux toilettes d'urgence. Alors viens vite, ne traînons pas là. On s'arrêtera au premier garage. Tu pourras aller au GOG et on prendra un café. En attendant, installe Julien dans la voiture pendant que je remplis le coffre. Tu t'assieras derrière avec lui. Le cordon de l'aspirateur est assez long, tu seras plus à l'aise. Dontin. Au garage suivant, ils font provision de boissons et sandwich, et 800 kilomètres plus tard, la voiture se gare devant la maison d'Angèle à Saint-Junien. Angèle, la maman de Maxime, sort de chez elle comme un diable de sa boîte. « Mes chéris, enfin vous voilà, je me faisais un sang d'encre. Bonjour, maman. Et ce petit ange qui nous revient. Comme il est beau, mon petit-fils. » « Viens, on va s'occuper de toi. Allez, entrez vite. Je vous ai préparé une bonne soupe. » Il ne faut pas longtemps à la petite famille pour se sentir tout à fait accueillie. La nuit suivante est la meilleure qu'il passe depuis des siècles. Dans quelques jours, Maxime montera à Paris en quête d'un logement. Dès qu'il l'aura trouvé, il fera venir Faustine afin qu'elle donne son avis. Mais avant tout, il souhaite faire baptiser Julien. wish I'd jump in. And the cotton is high.